Section 48 de la lecture, tome 7e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 7e. Section 48. Le 19e siècle, comment Frédéric Pontaut, 30 campagnes, 20 blessures, ne devint pas maréchal de France, par A. Robida. Chapitre 4. Deuxième rencontre. Mon cher frère, je prends la liberté de t'écrire pour m'informer de la santé de ma mère, de ta santé à toi et de toute notre famille, sans oublier Dean. Ne me sais point un mauvais gré si j'ai tant tardé, c'est que je voulais te donner connaissance d'une arme d'honneur promise depuis longtemps. Le citoyen Bonaparte, notre général en chef, rien n'échappe à sa mémoire et à sa bienveillance, vient, d'après le compte qui lui a été rendu de ma conduite aux armées du Nord et de Sambre et Meuse, et notamment à l'affaire de Meissenheim, sous les ordres du général Marceau, de me faire adresser un fusil d'honneur. Les trois capucines, la contreplatine, la sous-garde, la sous-crosse et la plaque de couche sont en argent. Sur cette dernière pièce sont gravés les motifs pour lesquels ma patrie m'a décerné cette arme. Je jouis en outre d'une haute paye d'un sou par jour. Fais-moi réponse lorsque tu auras le loisir, marque-moi ce qu'il y a de nouveau au pays, si la récolte est bonne cette année, et ce que pense Dean du cadeau du citoyen général Bonaparte. Le sergent Pontaut écrivit cette lettre avec accompagnement de grandes majuscules et de fioritures triomphantes, sur un tambour, à Padoue, dans un cloître abandonné où campait sa compagnie. 2 ans s'étaient écoulés depuis le pont de Meissenheim. Le jeune sergent d'alors, vieilli par les fatigues de la guerre, avait maintenant les longues moustaches blondes et tombantes d'un vieux soldat gaulois. Son uniforme était aussi usé qu'à Meissenheim, son grand chapeau prenait de lui-même des airs penchés et pointait ses 2 cornes vers le sol comme 2 gouttières, l'une dans le dos, l'autre sur le nez, au-dessus de la superbe pipe du hussard hongrois. Car, pour faire honneur à son trophée ainsi qu'à son précédent propriétaire, le brave Praichi, Frédéric Pontaut avait appris à fumer. La demi-brigade de Frédéric, tirée avec toute la division Bernadotte de l'armée de Sambre-et-Meuse, venait d'arriver à l'armée d'Italie, en assez mauvaise disposition. Les bruyants succès de celle-ci, les noms retentissants de ses victoires, Rivoli, Arcole, Lodi, Millésimo, semblables à des coups de clairon, les proclamations théâtrales de leur général, avaient fait oublier ou méconnaître avec injustice les longs et durs travaux des armées combattant dans le Nord et sur le Rhin, leurs dangers, leurs batailles, et rejeté leurs généraux, Marceau, Hoche, Jourdan, Moreau, à l'arrière-plan. Aussi, à peine la division Bernadotte eut-elle rejoint à Padoue les régiments de Bonaparte, que les querelles éclatèrent entre soldats d'Italie et soldats du Rhin. Le sergent avait eu son affaire dès le premier jour, plaisanté sur sa pipe colossale par un sous-officier, un petit méridional à la langue preste, Frédéric, sans mot dire, avait rangé sa pipe et tiré son sabre pour s'aligner en l'honneur des anciens de Sambre-et-Meuse. Le général Bonaparte, pour enrayer cette manie de duel qui menaçait de faire dévorer ses soldats les uns par les autres, prit la meilleure mesure. Il entra brusquement en campagne, après avoir, pour gagner l'esprit des soldats du Rhin, mis au courant toutes les promotions en retard et distribué des récompenses dès longtemps promises. Le fusil d'honneur promis par Marceau arrivant enfin, les sentiments de Frédéric pour le général des armées d'Italie étaient devenus tout autres. La lettre à son frère en témoignait. Cette lettre, inachevée, resta dans son sac et elle le suivit d'étape en étape sur les routes italiennes et tyroliennes. Frédéric y pensait de temps en temps, entre une escarmouche avec les Autrichiens, un enlèvement de poste avancé ou un passage de petite rivière aux allures de torrents descendant des Alpes neigeuses. Une recrue du village, arrivée avec quelques noyonnais à la demi-brigade, lui avait apporté des nouvelles des êtres si chers laissés là-bas, en Picardie, depuis les jours déjà lointains de 93. La vieille maman n'était guère gaillarde. Elle avait dû cesser d'aller au champ. Et maintenant, c'était Jean-Baptiste l'aîné qui faisait tout l'ouvrage. Heureusement, Dean était là. Dean allait vendre au marché de Noyon le beurre, les œufs et les légumes des Pontaut en même temps que les siens. Jean-Baptiste ne se mariait toujours pas et l'on disait dans le pays qu'il devrait bien épouser Dine, puisque Frédéric le sergent était destiné à poursuivre sa carrière de soldat et à devenir un jour ou l'autre général comme tant d'autres. Ces nouvelles rendaient Frédéric soucieux, et l'image de cette Dine, aimée jadis dans la paix des bonnes années de sa jeunesse, image un peu estompée par le temps, le suivait partout, occupait sa pensée pendant les longues étapes et ne disparaissait que lorsqu'il fallait donner un coup de collier, déployer ses hommes en tirailleurs, courir, faire le coup de feu ou enlever à la baïonnette quelques bicoques défendues par de vieilles connaissances, les Kaiserlicks. Après l'affaire, le souvenir de Dean reparaissait. Frédéric en était tout troublé. Ses espoirs de retour au pays, ses plans, les nouvelles apportées par la recrue avaient tout dérangé. Le retour triomphant, le retour au village, à la tranquillité, à la vie paisible, espéré si longtemps, lui paraissait maintenant bien problématique. Et cependant, après cette campagne qui devait, selon le citoyen Bonaparte, forcer l'Autriche à nous donner la paix, il serait probablement licencié, et alors, Frédéric n'osait pas pousser plus loin sa pensée. Bah, il serait peut-être tué avant. Les hostilités étaient ouvertes depuis 15 jours à peine, et déjà les troupes de l'archiduc Charles, rompues et disloquées, battaient en retraite, par corps séparés les uns des autres, sans possibilité de s'appuyer, défendant pied à pied chaque défilé, chaque village, chaque rivière, mais toujours bousculés et poussés presque irrémédiablement vers le désastre final par l'activité de Bonaparte. C'était le lendemain du jour où, arrivant au Tagliamento, l'armée tout entière en colonne était descendue dans la rivière sous le feu des batteries autrichiennes. Encore un bain froid avant la saison, disaient les soldats. Ils avaient eu, pour se réchauffer en sortant de l'eau, à recevoir la cavalerie sur le fer de leur baïonnette. Puis, la cavalerie repoussée, à courir en avant pour se prendre avec l'infanterie dans un corps à corps terrible, roulant de position en position parmi les ruines des villages retranchés. Toute l'après-midi et une partie de la nuit furent ainsi employées, et au petit jour, après quelques heures d'un repos bien gagné, il fallut se mettre en route sur les talons des colonnes ennemies. Frédéric Ponto, formant avec une portion de sa compagnie l'extrême pointe d'avant-garde du corps Bernadotte, s'occupait, au lendemain du Tagliamento, après 15 heures de marche, ou plutôt de course, à poser quelques hommes en grand garde pour protéger le repos bien gagné qu'il espérait prendre avec sa troupe harassée dans les ruines d'une vieille tour, vrai nid d'aigle planté au sommet d'un escarpement, presque dans les nuages, au-dessus d'un bois de sapin cramponné aux rochers par tous les bras de leurs racines. Le paysage était bien alpestre. C'était dans tout le développement de l'horizon un hérissement de montagnes bleuâtres aux cimes blanches, s'égouttant par des torrents gros ou minces, des filets d'eau que l'on franchissait d'une enjambée ou des rivières glacées dont les Autrichiens, par bonheur, n'avaient pas brûlé les ponts. Ponto plaçait ses vedettes au bas de son mamelon, lorsque tout à coup, derrière lui, d'un sentier du bois de sapin, sortirent quelques cavaliers à pied, traînant péniblement des chevaux éclopés. Dans la pénombre du bois, le sergent les prit pour des hussards français. Il allait leur parler, mais sur un brusque arrêt des cavaliers, il reconnut des Autrichiens. Les cavaliers essayaient de monter en selle. Un des hommes de Ponto tira sur le groupe, un cheval s'abattit, jetant le désordre dans la petite troupe et barrant le sentier. « Fonçons !» cria Ponto à ses 3 hommes en relevant un fusil qui allait tirer. « Ils sont à nous !» Les hussards autrichiens lâchaient les chevaux et sautaient, le sabre à la main, en avant d'un des leurs, un officier, qui cherchait à fouiller dans les fontes du cheval blessé. Mais au bruit du coup de feu, des Français dégringolaient du campement à travers les sapins. Une 20aine de fusils, maintenant, allaient barrer la route aux cavaliers armés seulement de leurs sabres. « Allons, rendez-vous !» cria Ponto en leur faisant signe de jeter leurs armes. Les hussards se consultèrent. Il n'y avait pour eux aucune possibilité de passer. Celui qui essayait de prendre ses pistolets dans ses fontes abandonna son cheval et regarda un instant de tous côtés, comme pour chercher une voie de salut. Il dit quelques mots aux autres et jeta son sabre sur la route. Ponto fit entourer ses prisonniers et remonta avec eux la pente du mamelon après avoir placé ses vedettes. Il était embarrassé de ces 5 Autrichiens et se demandait s'il n'allait pas les expédier en arrière au gros du corps d'armée, mais pour cela, il lui fallait fournir une escorte et dégarnir son poste. La nuit qui tombait rapidement fit cesser ses hésitations. il se décida à garder ses prisonniers jusqu'au lendemain. Dans les ruines, les soldats cherchaient tant bien que mal à se caser pour la nuit. Il était défendu de faire du feu, mais ils avaient découvert quelques chambres, à peu près couvertes, et après avoir mangé les croûtes restées au fond des sacs, s'apprêtaient à dormir au sifflement de la brise âpre qui faisait longuement et lugubrement gémir au-dessous d'eux les grands sapins du bois. Frédéric Ponto et l'officier prisonnier s'installèrent sur des pierres éboulées, dans le fond d'une grande chambre ouverte à la bise par une large brèche qui laissait voir les cimes des sapins balancées à tous les souffles. Le sergent offrit la moitié de sa maigre pitance à l'officier qui, poussé sans doute par la faim, ne se fit pas prier et, tous deux, côte à côte, le Français et l'Autrichien dînèrent silencieusement. Le dernier morceau avalé, Frédéric, pour tromper sa faim, tira de son sac la pipe de Meissenheim et la bourra d'un reste de tabac. Comme il se rasseyait à côté du prisonnier, un rayon de lune, se glissant par la brèche, tomba sur le fourneau de la pipe. Le prisonnier, qui se tirait mélancoliquement les moustaches, sursauta tout à coup en étendant la main. « Vous voulez voir ?» dit Frédéric, étonné et flatté. « Mais cette pipe ?» fit l'officier en la prenant des mains de Frédéric. « Oui, c'est elle. C'est la mienne. C'est ma pipe. »« Comment ?» demanda Frédéric. « D'où la tenez-vous ? Qui vous l'a donnée ?»« On ne me l'a pas donnée, » répondit Frédéric en regardant attentivement son interlocuteur. « Je l'ai gagnée à l'armée de Sambre-et-Meuse, là-bas, en Allemagne, à la défense d'un pont attaqué par... mes hussards, du côté de Krosnar. Alors c'était vous qui commandiez les défenseurs du pont et qui avez ramassé ma pipe. Je vous ai aperçu dans la fumée. » Les deux hommes s'étaient levés. L'officier tendit la main au sergent. « On peut se battre et s'estimer, » dit-il. Il s'était avancé vers la brèche et regardait la pipe au clair de lune. « Oui, voilà mon nom, Pratschi, 1790, gravé sur l'anneau, et celui au-dessous. Ponto, 17 frimaires en 4, c'est le vôtre ?»« Oui, mon commandant. » « Écoutez, » reprit le Hongrois, après un instant de silence, « consentiriez-vous à me la rendre ?» Ponto n'hésita pas. « Ah, impossible, j'y tiens trop, vous devez comprendre. Ça, c'est un souvenir. » J'y tiens presque autant qu'à ce fusil d'honneur que j'ai attendu 2 ans. Tenez, c'est un souvenir de la même affaire. » Le sergent montrait la plaque de son fusil au commandant hongrois. « Mais pour moi aussi, cette pipe est un souvenir, » reprit le Hongrois. « En 1790, quand je quittais le service pour m'en aller cultiver mes vignes dans mon pays, au fond de la Hongrie, un de mes vieux hussards me sculpta cette pipe et me la remit au nom de tout l'escadron, en souvenir des campagnes que nous avions faites ensemble contre les Prussiens et les Turcs. » Je ne croyais, ma foi, plus jamais reprendre le harnais, mais je me suis ennuyé. Et le bruit de vos guerres, à vous, Français, que nous ne détestons pourtant pas, nous autres Hongrois, la clameur de vos batailles me tenta. » Frédéric Ponto, pour montrer qu'il ne voulait pas se déposséder de sa pipe, devenue plus glorieuse à ses yeux, la rangeait dans son sac pendant que l'officier parlait. « Si je vous l'achetais, » reprit le Hongrois. Frédéric fit un geste indigné. « J'ai encore quelque argent, tenez. « Tout est pour vous si vous me la rendez, » dit le hussard en sortant de ses poches une poignée de pièces d'or. Le sergent l'arrêta. « Et moi, je n'ai que ça, » dit-il en tirant de sa poche 4 ou 5 sous de France mélangés à des petits crottes-sœurs verts de grisé. « Mais je garde ma pipe. » Pratschi n'insista plus et, après un moment de silence, reprit la conversation avec Ponto. « Nous ne détestons pas la France et pourtant nous lui faisons la guerre, » reprit le Hongrois. « Ah, nous aimons aussi la liberté. » « La liberté. » « Je ne dis pas que ce soit tout à fait la même que la vôtre, mais que de Hongrois tombés pour elle. » « Enfin, votre Marseillaise, nous la chantons aussi. Un de nos poètes l'a traduit en hongrois. Elle fait vibrer nos cœurs aussi bien que les vôtres. » « Ce que j'admire, ce sont ces hommes qui se sont dressés tout à coup chez vous, ces Marceau, ces Hoche, ces Bonaparte et tant d'autres. Des sergents qui battent nos vieux généraux. » Des jeunes gens qui font reculer l'Europe. Quelle génération! Quelle poussée soudaine d'hommes de guerre! Et vous, qu'étiez-vous dans votre pays avant l'explosion du volcan? Paysan, répondit Ponto. Laboureur sur mes terres. Grande un peu plus qu'un mouchoir de poche. Moi aussi, j'ai des terres et des vignes, et même quelques villages à moi. Après la guerre, venez me rapporter ma pipe et vous goûterez à nos vins et je vous trouverai une situation là-bas. » Sous la protection des vedettes, la petite avant-garde, harassée, s'endormit sur les pierres de la ruine, dans les trous, par petits paquets d'hommes serrés les uns contre les autres pour avoir moins froid. Après quelques temps de conversation, Frédéric Ponto et le Hongrois sentirent aussi leur tête tomber de sommeil. Le sergent fit une ronde, s'assura que ses factionnaires veillaient et compta ses prisonniers couchés fraternellement avec leur vainqueur. Quand il revint près du Hongrois, celui-ci dormait déjà, la tête sur le porte-manteau de son cheval. Ponto s'allongea tout à côté de lui, dans le court espace un peu abrité du grand courant d'air de la brèche, et s'endormit appuyé sur son sac. Il était trop fatigué pour rêver. À peine si l'image confuse de Dean passa dans son sommeil mêlée à de monstrueuses figures de hussards chevelus et moustachus qui ressemblaient à la tête de hussard de sa glorieuse pipe. Un coup de feu éclatant dans le bois au-dessous de la ruine le réveilla en sursaut. Il fut debout immédiatement, en soldat habitué aux alertes. Quelques hommes près de lui avaient déjà saisi leurs fusils. Il faisait noir dans la ruine. La lune, ayant tourné, ne glissait plus ses rayons par la brèche et par tous les trous. Frédéric tâta sur les pierres à côté de lui. Le porte-manteau était toujours là, mais le hussard avait disparu. « L'officier ! » s'écria-t-il. « Échappé !» Sa main rencontra quelques pièces de monnaie. C'était l'or offert par le Hongrois. Un éclair traversa l'esprit du sergent. À tâtons, il fouilla dans son sac et ne sentit plus sa pipe. Il comprit tout. Le hussard avait profité de son lourd sommeil de fatigue pour attirer peu à peu le sac et enlever la pipe. Se glissant ensuite jusqu'à la brèche, il s'était, à tout risque, lancé au dehors, dans le vide effrayant, en se cramponnant aux pierres, aux végétations poussées dans les trous. Le sergent et ses hommes descendirent rapidement dans le bois de sapin, en bas de l'escarpement. Ils trouvèrent la vedette qui rechargeait son arme. Le soldat, distinguant vaguement une ombre dans les rochers, avait tiré. Mais l'ombre avait disparu, dégringolant de pierre en pierre sous les sapins. Comment fouiller le bois dans l'obscurité de la nuit? De quel côté diriger les recherches? Tout se noyait dans le noir. On perdit encore quelques balles tirées sur quelques fantastiques silhouettes de vieux sapins, brandissant comme des sabres leurs branches cassées. Frédéric Ponto, après avoir vainement cherché sous les arbres, remonta tout furieux au campement et distribua aux soldats l'or du Hongrois, sans en rien garder. Jusqu'à l'aube, il marcha de long en large parmi les ruines en déroulant tout ce qu'il pouvait savoir de Juron. En même temps que le petit jour, apparurent les têtes de colonnes françaises. Frédéric, après une dernière recherche dans le bois, remit ses prisonniers et, la tête basse, rendit compte à son capitaine de l'évasion de leur chef. « Vous avez manqué de vigilance. Une mauvaise affaire pour vous, sergent, dit l'officier. Vous alliez passer sous-lieutenant. Enfin, ne parlons pas de l'évasion, vous aurez l'occasion de vous rattraper. » 8 jours après, Frédéric, toujours furieux de la perte de son trophée de Meissenheim, toujours cherchant du regard maintenant l'uniforme rouge des hussards hongrois, était nommé sous-lieutenant pour sa belle audace au combat du col de Tarvis. « Oh, je la retrouverai !» dit Frédéric, quand, devant le front de sa compagnie, il fut reconnu dans son nouveau grade. « Quoi ?» lui demanda son capitaine. « La pipe du hussard, ma pipe de Meissenheim. » Au premier bivouac, dans les montagnes autrichiennes, le sous-lieutenant Ponto reprenait sa lettre à son frère. « Après mûre réflexion, mon cher frère, je pense que nous n'avons pas assez de terre pour nos bras et nos appétits à nous deux. Garde-les donc pour toi tout seul, puisque tu nourris notre mère. Moi, j'ai un autre état. Le général Bonaparte m'a nommé sous-lieutenant. Depuis si longtemps que je suis parti, Dean doit m'avoir un peu oublié. Qui peut dire si je reviendrai jamais de toutes ces guerres? J'ai ouï dire par des recrues du pays que Dean était toujours bonne pour notre mère et pour toi. Épouse-la si elle y consent, mon cher frère. Ne te tourmente pas de moi, ni elle non plus. J'aurai toujours de la satisfaction à la savoir devenue ma sœur. Sur ma demande, maintenant que je ne porte plus le fusil, mon arme d'honneur te sera envoyée par le conseil d'administration de mon corps. Je désirerais qu'elle fût conservée pour donner l'exemple à mes petits-neveux, qui seront par la suite appelés à la défense de leur patrie. Assure mes respects et mes civilités à maman, à mes oncles, tantes, cousins et cousines, et je suis pour la vie, en t'embrassant ainsi que Dean, ton frère. Frédéric Ponto, sous-lieutenant à la 26e demi-brigade. Fin de la section 48.